Bonjour à toutes et à tous. Nous vous ressortons une actualité du mois d'octobre dans laquelle Océane vous explique la situation récente entre la Turquie et la Syrie. Vous en avez forcément entendu parler, les Turcs sont passés à l'offensive en Syrie. Tous les jours, nous apprenons de nouvelles informations sur la situation. Alors Océane, tu ne vas pas nous raconter tous les détails de l'offensive, mais tu voulais revenir sur quelques points clés pour comprendre la situation dans son ensemble. Oui Carolina, exactement. La guerre en Syrie, qui a commencé comme une guerre civile, dure depuis mars 2011. On se souvient plus généralement de 2014 parce que c'est l'année de l'apparition de ce nouvel acteur, l'État islamique, qui transforme cette guerre civile en guerre, tout simplement, impliquant de nombreux pays. Ça fait donc presque 8 ans que ce pays est en guerre et que la population civile en souffre. Je sais que la plupart d'entre nous connaissons les dates, mais est-ce qu'on a vraiment bien conscience de la durée du conflit? 8 ans, c'est énorme. Les pays frontaliers ont été très rapidement impliqués dans le conflit syrien, que ce soit en soutien à Bachar al-Assad, en soutien des forces rebelles kurdes ou tout simplement en guerre contre Daesh. La Turquie est impliquée depuis le début dans ce conflit, en premier lieu par le financement de groupes armés, vous vous souvenez peut-être de l'ASL, l'armée syrienne libre, puis par intervention directe sur le sol syrien depuis 2016. Je vais donc essayer de vous retracer l'histoire complexe de la Turquie et de la Syrie, et de manière générale, des pays qui sont impliqués dans la guerre en Syrie, des relations avec la Turquie. Bon, ça va être un petit peu compliqué, j'espère que je vais rendre ça simple. Justement, comme tu l'as évoqué, la Syrie et la Turquie ont une histoire complexe. Ces deux pays qui sont souvent retrouvés en pleine confrontation. Oui, alors, sans vous refaire toute l'histoire des relations turco-syriennes, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous trouverez deux références plutôt sympas en biblio. Les relations entre la Turquie et la Syrie n'ont pas été de tout repos. Après des années et des années de confrontations sur, par exemple, la crise de Suez en 1956, la crise jordanienne de 1957 qui s'est transformée en crise turco-syrienne, les relations israélo-palestiniennes, les frictions aux frontières entre Turquie et Syrie, mais surtout la question kurde, la crise entre Turquie et Syrie atteint des sommets en 1998. Et c'est pourquoi les deux pays ont négocié l'accord d'Adana, signé le 20 octobre 1998, ce qui a marqué l'ouverture d'une coopération intense entre les deux pays et la fin du soutien direct ou indirect de la Syrie au PKK, donc le parti kurde turc qui est considéré par la Turquie comme une organisation terroriste. Donc cette relation turco-syrienne s'est construite tout d'abord sur des enjeux sécuritaires, et elle s'est consolidée par des visites diplomatiques de plus en plus régulières, une coopération économique de plus en plus marquée. L'arrivée de Bachar el-Assad au pouvoir, la guerre en Irak et la procédure d'inclusion de la Turquie à l'Union européenne ont rapproché les deux pays. D'ailleurs, la période 2002-2010 est parfois qualifiée comme la lune de miel entre Syrie et Turquie. Mais depuis le début des années 2000, la situation a beaucoup changé. Alors, quand la révolution syrienne commence en 2011, la Turquie tente de convaincre son dirigeant, donc Bachar el-Assad, de négocier pacifiquement avec les insurgés. Le gouvernement de Bachar el-Assad, ignorant les conseils de la Turquie, les relations entre les deux pays deviennent de plus en plus tendues, d'autant plus que la Turquie a, depuis les années 2000, beaucoup d'intérêts économiques en Syrie. Et les pertes financières se multiplient avec la prolongation du conflit. Quelques mois après le début de la guerre civile, la Turquie rompt ses liens avec le gouvernement syrien et commence à apporter un soutien financier à l'armée syrienne libre. Donc, retournement d'alliance totale. Oui, alors, en quelque sorte. La Turquie est peu hostile à l'ensemble des groupes et factions se battant en Syrie, même Daesh dans un premier temps. Mais elle est surtout préoccupée par la possibilité de la création d'un Kurdistan syrien autonome. C'est une préoccupation qui est bien ancienne de la Turquie, et ça avait été d'ailleurs l'objet de crise entre Turquie et Syrie. Donc la Turquie a certes fait un retournement d'alliance, mais finalement son sujet d'inquiétude principal est resté le même. Ayant une forte population kurde à la frontière, qui entretient des ambitions indépendantistes depuis des années à travers du PKK, une indépendance kurde en Syrie pourrait entraîner une révolution des Kurdes en Turquie. Alors néanmoins, en 2013, donc 2 ans après le début du conflit, un cessez-le-feu a été conclu entre la Turquie et le PKK, et d'ailleurs c'est le moment où la Turquie s'engage dans la coalition internationale, 1 an plus tard. En 2015, le conflit reprend et la Turquie subit des attentats revendiqués à la fois par l'État islamique et par des rebelles kurdes. La question kurde est clairement au centre des préoccupations de la Turquie et on ne peut pas comprendre son action en Syrie et ses prises de position internationales sans avoir conscience du problème kurde en Turquie, aussi en Syrie, mais surtout en Turquie. Mais la Turquie avait déjà combattu en Syrie. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup plus de cette action maintenant ? Alors, c'est vrai, la Turquie a déjà mené plusieurs offensives sur le territoire syrien, mais toujours sous une sorte de contrôle américain. Et c'est la grande différence avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que les forces américaines ont commencé à se retirer de la frontière turco-syrienne. Sur autorisation de Donald Trump, Erdogan a annoncé une incursion militaire qui n'est pas soutenue, mais qui n'est pas non plus arrêtée par les États-Unis. La décision de Donald Trump ne semble pas être au diapason des recommandations du Pentagone, et encore une fois, ses tweets ont été à la hauteur de sa réputation. Je vous cite « Si la Turquie fait quoi que ce soit dont j'estime, dans ma grande et inégalable sagesse, que cela dépasse les bornes, je détruirai et anéantirai complètement l'économie de la Turquie. » Bon, je vais pas commenter ce tweet, parce qu'il a déjà été passé au crible par les politiques et les médias, mais je pouvais pas ne pas vous le traduire et vous le citer. Donc les États-Unis ont bien cette position de « on ne va pas l'empêcher de faire, mais attention de ne pas aller trop loin ». Pourtant, les États-Unis n'ont pas quitté le sol syrien, il reste encore des forces sur place. Mais les rebelles kurdes qui ont été soutenus par les États-Unis et qui ont été le fer de lance dans le combat contre Daesh, ils se sentent trahis aujourd'hui. Cette décision a d'ailleurs soulevé une vague de protestations à l'intérieur même des États-Unis et qui n'est pas suivie par ses propres alliés. La France a publiquement condamné l'offensive turque et le président Emmanuel Macron a annoncé suspendre les ventes de matériel de guerre qui pourraient servir à cette offensive après des annonces extrêmement similaires des gouvernements néerlandais et allemands. L'ONU de son côté a déclaré, je cite, « s'attendre au pire ». L'Europe tentait d'ailleurs, le vendredi 11 octobre, de faire condamner l'offensive turque par les Nations Unies, mais elle s'est confrontée à l'opposition russe et américaine. Depuis son annonce choc, Donald Trump a suggéré une médiation entre les Turcs et les Kurdes, notamment vu les réactions internationales, et certains membres de la Maison-Blanche travaillent sur la possibilité d'un cessez-le-feu. Mais Trump déclarait encore une fois jeudi sa volonté de retirer les troupes américaines de Syrie et d'arrêter ces guerres insensées, je cite « La dernière chose que je souhaite, c'est de ramener des milliers et des milliers de soldats là-bas pour battre tout le monde à nouveau. » Ça, nous l'avons déjà fait, et donc il a déclaré ça avant d'insister sur le fait que le groupe État islamique avait bien été battu, définitivement et à plate couture. Ce qui pourrait potentiellement changer les choses dans la posture américaine, c'est que il semblerait que des soldats et des positions américaines aient été prises entre deux feux, donc kurdes et turcs, récemment. Mais bon, les déclarations étaient un peu confuses, donc jusque-là, je ne vais pas particulièrement me prononcer. Voilà globalement la position des États-Unis, et c'est bien cette position des États-Unis qui a déclenché l'offensive turque, même si les Turcs poussaient pour cela depuis des semaines. Et du coup, que veulent les Turcs ? Alors, les Turcs souhaitent créer une zone de sécurité en Syrie, alors officiellement pour permettre le retour d'un million de Syriens actuellement en Turquie, dans leur pays d'origine, de manière un peu moins officielle, de repousser le YPG, donc qui est le groupement proche du PKK, donc de Kurdes, et qui ont été le fer de lance dans la guerre contre l'État islamique. Il faut savoir que la Turquie accueille en ce moment plusieurs millions, donc à minima 2 millions, de réfugiés syriens sur son territoire, et un accord avec l'Union européenne pour limiter leurs déplacements vers le vieux continent. La question des réfugiés est centrale dans les relations turco-européennes. Pourtant, pour la création de cette espèce de zone de sécurité pour pouvoir rapatrier donc, les Syriens chez eux, en août dernier, les Kurdes, les Turcs et les Américains avaient annoncé un accord établissant cette zone de sécurité justement pour séparer les secteurs kurdes syriens de la Turquie, en les éloignant de la frontière, dans le but de dissuader la Turquie de lancer l'offensive qu'elle a justement lancée très récemment. Mais le calendrier, cet accord est resté flou et ça n'a pas du tout permis d'éviter l'offensive turque. Et quels sont les derniers développements de l'offensive turque ? Alors, tout va très vite. Je vais donc vous livrer les détails dont nous avons connaissance à l'heure où nous enregistrons, mais ils seront probablement obsolètes au moment où vous nous écouterez. Donc je vais aller assez vite, quitte à y revenir pour une prochaine actualité de manière un peu plus précise. La Turquie a annoncé avoir pénétré et contrôlé Tal Abyad et Ras Al Ain, et maintenant Minbey, une ancienne place forte kurde. Les Turcs auraient reçu une assistance des Russes. Et d'ailleurs, depuis la prise de position de Donald Trump, ses changements de discours, ses changements de ton assez nombreux depuis le début de la crise, bien les Turcs ont pris une place de plus en plus importante. C'est avec les Russes que les Turcs veulent discuter, beaucoup moins avec les États-Unis ou de manière générale les Occidentaux. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter que Londres et Ottawa ont aussi levé leur commerce d'armes avec la Turquie pendant que les États-Unis réfléchissent à des sanctions pour une situation qu'ils ont quand même largement contribué à déclencher. Alors quant au nombre de morts, ben c'est pareil, tous les jours on en ajoute, donc les chiffres que je pourrais vous donner aujourd'hui seront complètement obsolètes demain. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation humanitaire est critique. De nombreuses ONG quittent le nord de la Syrie car les volontaires ne sont plus en sécurité. Médecins sans frontières, Mercy Corps, la plupart des aides humanitaires dans la zone encore contrôlée par les Kurdes. Certains restent encore au jour où j'enregistre ces mots, donc le 17 octobre, mais la situation peut encore beaucoup changer. Depuis le début de la guerre civile syrienne, il y a eu plus de 370 000 morts. Et pour les premiers jours de l'offensive turque, selon les chiffres, on dirait plus ou moins une centaine, dont pas mal de civils. La question humanitaire en Syrie est dramatique, et je pèse mes mots. Je ne sais pas si on s'en rend compte ce que ça fait 370 000 morts. Ça représente tous les habitants de la ville, de l'île et de camps réunis, tous tués en moins de 8 ans. Ce qui est assez impressionnant, pas dans un bon sens. Mais sinon, globalement, la Turquie n'est pas critiquée que pour sa relation avec les Kurdes et la Syrie. Non, alors il y a un problème turc bien plus large que cette dernière offensive, même si elle a fait la une des journaux. Tout cela ne peut pas se concevoir sans la prise en compte du virage autoritaire de la Turquie depuis la tentative du coup d'État du 15 juillet 2016, qui avait fait plus de 250 morts. Ça fait déjà 3 ans qu'il y a eu cette tentative de coup d'État en Turquie. Et après donc le putsch, il y avait une purge énorme parmi les militaires, mais aussi les professeurs, on en avait beaucoup entendu parler. Bien qu'il y ait un durcissement qualifié par les médias d'antidémocratique, avec de nombreux emprisonnements, beaucoup de limogeages, Erdogan avait été réélu démocratiquement en 2018, bien qu'il existe des contestations sur le trucage ou non des élections. Mais en mars dernier, donc en mars 2019, pour la première fois, eh bien les élections municipales font perdre l'AKP, donc le parti politique présidentiel, à Ankara et Istanbul. Erdogan a donc décidé tout simplement d'annuler le scrutin pour Istanbul parce qu'il ne pouvait pas perdre. C'est vraiment une des premières, une des premières fois que le président va jusque-là, en fait, décide d'annuler des élections. C'est vraiment complètement antidémocratique. Et d'ailleurs, cette politique embrassée par Erdogan a éloigné ses alliés. Le temps où on pensait sérieusement à l'inclusion de la Turquie dans l'Union européenne est passé, largement passé, et la procédure est gelée. L'OTAN émet de sérieuses réserves, surtout depuis que les Turcs ont signé un contrat majeur avec la Russie pour l'achat de systèmes de défense antiaérienne S-400, et aussi parce que le traitement réservé aux Kurdes par les Turcs ne fait pas, excusez-moi l'expression, l'unanimité. L'OTAN ne considère pas retirer la capacité de membre à la Turquie, en raison notamment de son importance géopolitique. C'est un pivot pour se protéger et de la Russie et du Moyen-Orient. Mais il y a de plus en plus de doutes qui se font entendre par les médias, par les politiques, sur la cohérence de son régime politique avec les valeurs défendues par l'OTAN, qui sont notamment des valeurs démocratiques. Mais bon, le fait qu'il y ait des armes nucléaires de l'OTAN qui soient stationnées en Turquie, donc des B-61 pour être précise, bien qu'ils soient gardés par les Américains, c'est pas rassurant pour les alliés. Et puis les dernières déclarations d'Erdogan sur son droit à posséder des armes nucléaires, alors même qu'il a signé le TNP, tout ça, ça crée un climat assez anxiogène. Donc pour résumer, les réserves de l'Europe et un peu des États-Unis vis-à-vis de la Turquie ne se limitent pas à leurs intentions et leurs actions militaires en Syrie, même si c'est ce qui fait la une des journaux. Donc il faut bien prendre ça en compte, et je vous conseille de suivre les avancées turques en Syrie, parce que ça pourra vraiment avoir un impact sur la population kurde et le peuple kurde. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.